t'ai donné toute ma vie, là faut quitter. Je retire ta chance, là c'est fini. Tu me connais, là c'est cuit, laisse tomber. Combien de fois je t'ai pardonné, je suis fatiguée. Reprends ta route, reviens plus jamais. Tu parles, ce sera sans regret. Maintenant vis ta life, sans moi je te le promets. Tu parles, ce n'est plus la peine. Compte pas sur moi, je suis déjà loin. Tu vois là, tu parles, mais tu vas pas tailler. Tu connais ton homme, n'aime pas abandonner. Viens me faire un câlin, promets plus de bêtises. À deux, on fait le combo. Mademoiselle veut s'en aller. Jamais. Je t'avais dit que jamais on serait séparés. Oui, pour des histoires de mademoiselle va s'en aller. Bon, écoute, là t'es fâchée, tu vas d'abord aller te calmer. Ah non, non, non, c'est pas comme ça. Madame a pété les plombs parce qu'une fois de plus elle m'a cramé. C'était interdit de fouiller. Tu penses que je m'en fous? Bébé, tu te trompes. T'as pris tout l'amour que j'ai, ça même si je t'ai trompé. C'était juste un bisou. Donc arrête de bomber. Tu fais genre c'est la première fois que sur tes fesses t'es tombé. Tu parles, ce sera sans regret. Maintenant vis ta life, sans moi je te le promets. Tu parles, ce n'est plus la peine. Compte pas sur moi, je suis déjà loin. Tu vois là, tu parles, mais tu vas pas tailler. Tu connais ton homme, n'aime pas abandonner. Viens me faire un câlin, promets plus de bêtises. À deux, on fait le combo. Jamais. Tu m'avais dit que jamais on serait séparés. Et pour une histoire de mademoiselle veut s'en aller. Jamais. Je t'avais dit que jamais on serait séparés. Oui, pour des histoires de m'aimer, laisser parler. Oui, je t'aimais plus que tout, je te laisserai pas t'en aller. Je sais que tu m'aimes encore et tu sais que moi aussi. Mais tu m'as fait du tort, donc il en soit ainsi. Oui, je sais que tu m'aimes encore, pour moi tu es ma force. Des choses que j'ai pas fini, comme de te faire des gosses. T'as foncé dans le vide, je tapais dans le mille. C'est décidé, c'est terminé. Tu m'avais dit que jamais on serait séparés. Elle veut s'en aller.